Cinquième partie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais te parler à présent de ton prophète. Notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu entends son nom, ou quand toi-même tu le prononces, il faut toujours dire sallallahu alayhi wa sallam. Allah te donnera beaucoup de récompenses pour cela. Tu sais que Allah a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il est le dernier des messagers. Mais sais-tu qu'après lui, Allah n'a pas envoyé de nouveaux prophètes et qu'il ne va plus jamais en envoyer? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu avec le message du Tawhid pour toute la création. Les hommes, comme les djinns, arabes et non-arabes, tous ceux qui se trouvent à la surface de la terre depuis son époque jusqu'à nos jours. Allah dit dans le Coran « وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ » Et ce n'est qu'un rappel adressé au monde. Il a été envoyé comme les autres prophètes avant lui. Sauf que le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le plus complet, car son message est destiné à toutes les créatures de l'univers. Tout le monde doit se réunir sur son message. Tout le monde doit l'écouter et tout le monde doit lui obéir. Car c'est Allah qui l'a choisi pour nous, pour notre bonheur à tous. Lorsque Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a atteint l'âge de 40 ans, la terre était remplie d'injustice et remplie de combats. Les gens ne connaissaient pas la vérité et les gens n'adoraient pas Allah comme il le faut. Ceci était la situation dans le monde entier. Mais ceci était encore pire en Arabie, où les tribus arabes se combattaient les unes les autres. Elles ne faisaient pas le bien. Elles laissaient faire le mal, et elles ne faisaient pas la différence entre la vérité et le mensonge. Et c'est alors que par sa miséricorde infinie envers les hommes, Allah envoya le message du Tawhid à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'envoya pour appeler son peuple au tawhid, à l'adoration d'Allah seul, et ne rien adorer d'autre que lui. Son peuple était plongé dans l'ignorance et le shirk. Ils prétendaient avoir plusieurs dieux, et ils avaient appelé Al-Lat, Al-Uzza et Manat. Ceci était un grand mensonge, car il n'existe qu'un seul Dieu en vérité. Et qui est ce Dieu unique? C'est Allah, bien sûr. Et en faisant cela, le peuple de Muhammad ressemblait au peuple de Nuh, qui avait adoré Wad, Suwar, Yarouth, Ya'ouq et Nasr, comme nous l'avons vu plus tôt. Allah dit dans le Coran « وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ » Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection? Et leurs divinités sont indifférentes à leurs invocations. Allah envoya donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et celui-ci commença son appel en secret, sans faire de bruit, avec ses proches parents et ses amis, ceux qui avaient confiance en lui. À la tête de ces gens de bien, il y eut Abu Bakr, qu'on appelle As-Siddiq, c'est-à-dire le véridique, celui qui accepte et parle avec la vérité. Il fut parmi les premiers à écouter et croire le prophète. Puis, parmi les jeunes, il y eut Ali. Et avant lui, Khadija, la noble épouse du prophète. Puis, Zayd, que le prophète avait libéré de l'esclavage. Ainsi que Bilal, qui fut libéré par Abu Bakr. Puis après eux, les gens acceptèrent l'islam, les uns après les autres, jour après jour, de plus en plus. Allahu Akbar! Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, leur a parlé comme les autres prophètes avant lui, c'est-à-dire adorer Allah seul et laisser tout ce que vous adorez d'autre que lui, même si vos pères et les pères de vos pères faisaient cela. Allah révéla le Coran au prophète. Et le Coran contient le même message, celui du Tawhid. Ce message qui met de la lumière dans ton cœur et qui te donne envie d'obéir à Allah et de ne jamais lui désobéir. Et pourtant, quand le prophète a appelé le reste de son peuple à la vérité, quelle a été leur réponse, d'après toi? Hélas, ils ont suivi le chemin de Iblis, le diable maudit, et ils ont rejeté le Tawhid. Ils se sont même moqués, comme les mauvais hommes avant eux s'étaient moqués de leur prophète. Son peuple avait bien compris le message. Et il savait qu'il ne suffisait pas d'accepter le tawhid par la parole seulement, mais que l'important était de le pratiquer. Donc ils ont tout refusé. Ils n'ont pas cru au tawhid, ils n'ont pas proclamé le tawhid, et ils n'ont pas pratiqué le tawhid. Ils ont refusé de dire la shahada. La ilaha illallah. Cela veut dire que l'on doit adorer Allah seul et rien d'autre que lui. Ils ont refusé la shahada. Et ils ont ainsi refusé l'islam. Mais toi, tu es parmi les enfants musulmans sages et bons. Je suis sûr que tu aimes dire « La ilaha illallah ». Alors dis-le, je t'écoute. Le peuple de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a refusé la vérité. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Ils ont été orgueilleux. Ils ont insulté la meilleure des créatures, le prophète, en le traitant de poète fou. Je te le demande. Est-ce que le prophète était un poète fou? Allah dit dans le Coran: Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sha'irin qalilan ma tu'minun. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Et ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dû se défendre contre les gens du mal, les gens du shirk. Il a dû se défendre contre eux par sa parole, par sa patience et par son courage. Il a appelé son peuple à ne pas demander à autre qu'Allah, à ne pas espérer en autre qu'Allah et à ne pas avoir peur d'un autre qu'Allah. Et de ne pas chercher le secours auprès d'un autre qu'Allah. Ainsi était notre prophète Mohammed, la meilleure des créatures. Sallallahu alayhi wa sallam.